La foi précède, l'intelligence suit. Docteur Fontinato, Papa Navan, Bawela Bazanga, Bazanga Pe Bazoua. C'est ça la loi de la vie. Bana Tchétchénie na Vatican, ba chômeur américain à Kadhafi, Boyokan Zimbola. Linda.